Bouygues Télécom. Thibaut et Tiffaine, de Tours, parents d'ados ultra connectés, ont une connexion très lente qui n'arrête pas de planter. C'est pourquoi à la rentrée, ils souhaiteraient se doter de la fibre, mais pas à n'importe quel prix. Eh bien, Thibaut et Tiffaine, écoutez plutôt. En ce moment, chez Bouygues Télécom, rentrez sans compter avec notre série spéciale fibre, internet, téléphone et télévision pour seulement 14,99€ par mois pendant un an, puis 36,99€ par mois. Oui, la fibre à 14,99€. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité et de raccordement, engagement 12 mois. Longtemps, la migraine a été dépréciée, moquée, sous-évaluée. Pas ce soir, chérie, j'ai la migraine. Comme une simulation féminine finalement anecdotique. Or, la migraine est tout sauf anecdotique. Non seulement il faut la distinguer du simple mal de crâne, mais elle peut être dans ses formes chroniques les plus sévères, extrêmement handicapante, lorsqu'elle sévit plus de 15 jours par mois. Elle touche plus de 10 millions de Français, soit près de 12% de la population adulte, est l'une des principales causes d'absentéisme professionnel et fait partie des 5 maladies les plus invalidantes en termes de perte d'années de vie en bonne qualité. Malgré tout cela, elle est très souvent sous-diagnostiquée, sous-estimée par le corps médical, mal comprise et pas toujours bien traitée. Aujourd'hui, on prend la migraine à bras-le-corps. Migraine, la douleur casse-tête, c'est le programme hypersensible qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Nous allons donc faire le tour de ces pathologies, car la migraine a plusieurs formes, comme vous allez l'entendre au cours de cette heure. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jérôme Maouet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neurologue à l'hôpital Lariboisière, membre du comité d'administration de la Société française d'études des migraines et céphalées. Nous devrions être en ligne dans les prochaines minutes avec Michel Lanthéry-Minet, qui est neurologue, chef de service du département d'évaluation et de traitement de la douleur au CHU de Nice. Et pour appréhender un sujet si complexe, nous ne serons pas trop de deux. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés ma collègue Sylvie Rioux-Millio. Bonjour Sylvie. Bonjour. De notre partenaire chéri, le magazine Science et Avenir, qui consacre un dossier à la migraine dans son numéro de septembre. Mais avant de se plonger dans ce casse-tête, on défait les nœuds de l'actualité scientifique du week-end et des jours passés avec Natacha Trioux pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec une annonce qui a fait grand bruit ce week-end. Elon Musk, encore lui, a présenté sur YouTube les nouveaux implants cérébraux de sa société Neuralink. Et on y voyait Gertrude, un cochon qui vit depuis 2 mois avec l'une de ses puces. Il s'agit d'un modèle sans fil, aussi grand qu'une pièce de monnaie, et qui est implanté juste sous le crâne, à fleur de cortex. Alors cet implant serait capable de détecter l'activité neuronale liée à l'activité du museau de l'animal. Et pour prouver la sécurité du procédé, on y voyait aussi un autre cochon en bonne santé à qui l'on avait retiré l'un de ses implants. Alors depuis 2016, le milliardaire travaille sur des interfaces cerveau-machine, restaurer le mouvement de personnes paralysées, suivi médical jusqu'à la communication par télépathie. Les applications recherchées sont nombreuses et il y a des perspectives d'essais cliniques sur l'humain. Mais les implants cérébraux à usage thérapeutique, c'est une histoire vieille de 30 ans déjà. Hervé Schneweis est président du comité d'éthique de l'INSERM et dirige un laboratoire de neurosciences à la Sorbonne. Il reste sceptique. Il y a 2 volets. Le premier, c'est que Neuralink, là, s'inscrit clairement dans une dimension santé. C'est pas le cas pour toutes les entreprises de neurotechnologie qui sont concurrentes de Neuralink. L'autre élément, c'est qu'il n'a pas présenté grand-chose et que ça sent quand même la communication pour récolter des fonds parce qu'il y a une course forte sur ces domaines. Clairement, ce qu'il a montré, en tout cas ce que j'en ai vu sur YouTube, n'est pas renversant. C'est essentiellement de l'enregistrement d'une activité cérébrale, en tout cas c'est ce qui est dit, parce que c'est juste des images qui sont montrées, donc on n'a pas d'éléments qui prouvent ce qui est dit. Et d'autre part, une affirmation que le système serait sûr, puisque on pourrait retirer ce système, et puis aussi le fait que le système fonctionne sans fil, alors que la plupart des dispositifs cerveau-machine actuels fonctionnent avec des fils qui sont reliés au dispositif. On est assez sceptique dans la mesure où c'est d'abord un travail énorme depuis 30 ans de la communauté académique, alors ça prouve rien, mais il y a quand même beaucoup de monde sur le sujet, et que c'est vraiment un sujet très important et très difficile. Il ne suffit pas d'enregistrer l'activité cérébrale, il faut être capable de l'interpréter, de l'analyser. Là, ce qu'il prétend, c'est que ça serait beaucoup plus léger à mettre en œuvre comme appareil, et après, on ne sait pas qu'est-ce que ça nécessiterait comme entraînement et comme apprentissage. Ça, il faudrait que le dispositif soit utilisable déjà chez l'homme. On en est bien loin. Voilà, et puis on va vous remettre le lien également sur notre fil Twitter @laméthodefc vers l'émission que nous avions consacrée à Elon Musk. En finira-t-on un jour avec Elon Musk? C'est la question que nous avions posée à la fin de la saison précédente. On vous met ça sur Twitter et sur la page de l'émission La Méthode Scientifique sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Aux États-Unis, où on approche des 6 millions de cas confirmés de Covid-19, la FDA, l'administration américaine des médicaments, se dit prête à diffuser un vaccin en cours de développement. Mais le vaccin américain en phase 3 n'est pas arrivé au terme de son essai clinique. Il lui manque encore quelques mois afin de ne plus avoir de doute sur sa sécurité et sur son efficacité. Le patron de la FDA a déclaré hier être prêt à interrompre ses essais pour délivrer une autorisation d'utilisation d'urgence. Il fait valoir la balance bénéfice-risque. Mais dans la course au vaccin, les experts de la santé rappellent que brûler les étapes est contraire à l'éthique et donner un feu vert trop vite un risque de fragiliser la confiance du grand public ainsi que les mécanismes de réglementation de cette technologie. Selon une étude parue dans Nature Climate Change, pour survivre aux sécheresses, les oiseaux tropicaux cessent de se reproduire. Et avec des vagues de chaleur records de plus en plus régulières et partout sur la planète, est-ce que les espèces peuvent s'adapter à ces conditions de plus en plus difficiles? C'était la question posée par ces chercheurs américains pendant leurs travaux sur le terrain pendant 17 ans en Malaisie et au Venezuela. Ils montrent qu'en pleine sécheresse, la reproduction des oiseaux tropicaux peut réduire jusqu'à 50%, une tactique qui leur permet d'augmenter leurs chances de survie dans des environnements extrêmes. Ce papier pointe une autre conséquence des changements climatiques sur les écosystèmes et montre que nous sous-estimons la plasticité comportementale des espèces animales. Et enfin, selon une étude parue dans Nature Communications, lorsqu'elles sont sur le point de mourir, les bactéries émettent des cris de mort pour avertir les autres bactéries. L'agonie des bactéries, vous imaginez bien qu'elles ne produisent pas de hurlements ni même aucun son. Il s'agit plus exactement de nécrosignal ou de nécrosignalisation des signatures chimiques. Cette équipe américaine a mis en évidence ce phénomène en observant les essaims bactériens de E. coli et leur interaction avec des antibiotiques. D'une part, les bactéries mourantes expriment ces nécrosignales et d'autre part, ces signaux guident le comportement des bactéries survivantes. Elles organisent alors leur résistance face à la menace et se réunissent en essaims pour mieux combattre les attaques d'antibiotiques. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Je salue Michel Lanteriminet qui nous a rejoint, que nous avons au téléphone. Bonjour. Bonjour. Je le rappelle, vous êtes neurologue, chef de service du département d'évaluation et de traitement de la douleur au CHU de Nice. Nous allons donc parler bien de migraines tout au long de cette heure. Et je le disais dans l'introduction il y a quelques instants, la migraine a longtemps été, et j'utilise ces mots évidemment avec tous les guillemets possibles et en connaissance de cause, considérée comme une maladie de bonne femme, une sorte d'antichambre à l'hystérie au pire, au mieux un mensonge pour se dédouaner des devoirs conjugaux, là encore avec tous les guillemets nécessaires. Or, il n'en est évidemment rien. Néanmoins, la recherche sur la migraine a mis du temps à se développer. Si aujourd'hui on a une connaissance assez précise des données épidémiologiques des différentes formes de ces maladies, ainsi qu'un savoir assez solide sur certains de ces mécanismes, il n'en reste pas moins que la migraine reste sous-diagnostiquée, sous-traitée et encore certainement un peu sous-considérée. Il faut attendre les années 2000, comme en atteste notre archive du jour, pour qu'un service hospitalier dédié n'ouvre ses portes à Paris. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Gérard Courchel, dans le journal de France Inter. Nous sommes il y a presque exactement 20 ans, le 19 septembre 2000. France Inter, il est 8h. Le Le journal, Gérard Courchel. Le premier service européen d'urgence consacré aux maux de tête à l'hôpital Lariboisière de Paris refuse du monde. En France, il est vrai, on estime que 7 millions de personnes souffrent de migraines. Le service de l'hôpital Lariboisière n'est ouvert que depuis une semaine. Tous les patients, Daniel Messager, n'ont pas encore bien compris comment il fonctionne. 98 patients le jour de l'ouverture, 140 le deuxième, et depuis, c'est une moyenne de 100 personnes qui se pressent quotidiennement au service d'urgence pour les maux de tête. La moitié est renvoyée sur une consultation classique de neurologie, car ces malades-là ne sont pas en crise et le service est un lieu d'urgence pour adultes. Mais c'est bien la preuve qu'il y a un manque. En tout cas, les patients le ressentent ainsi. Trop souvent, se plaignent-ils, les généralistes se contentent de prescrire de l'aspirine ou du paracétamol, ce qui ne traite pas le fond de leurs problèmes. Quant aux spécialistes, ils proposent des délais d'attente de parfois plusieurs mois, insupportable quand on a mal. Et la migraine non seulement provoque de violentes douleurs à la tête, mais encore aux yeux, elle est aussi génératrice de nausées et de vertiges. C'est une vraie maladie et les céphalées peuvent également être le signal d'autres pathologies, méningite, tumeur du cerveau, accident vasculaire cérébral. 10 neurologues, 6 infirmiers et aides-soignants se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous spécialistes et rodés à ce type de douleur. Le diagnostic est ainsi plus vite posé et le patient plus rapidement soulagé, et c'est d'abord ce qu'il demande. Voilà, on retournera d'ailleurs dans ce service tout à l'heure dans le reportage du jour. Un mot, Jérôme Maouet, sur ce service et sur cette archive. Donc moi j'y travaille toujours et il y a des choses qui n'ont pas changé sur les 20 ans. Il y a toujours beaucoup de patients qui ont énormément d'espoir en venant nous trouver. Et ben en effet, on accueille des patients avec qui souffrent de céphalées récentes et qui sont en crise. Mais ça mélange la migraine, la tumeur, la rupture d'anévrisme. Et c'est vrai que c'est à notre travail de faire la part des choses. Mais que souvent, il y a une grande anxiété de la part des patients de s'ouvrir des plus graves de celles-ci. Et on ira visiter tout à l'heure ces urgences pour comprendre comment elles s'organisent. Michel Lanthériminet, à partir de quand la migraine a-t-elle commencé à être prise un peu plus au sérieux, dirons-nous, par la médecine contemporaine ? Oh, la migraine a dû commencer à être prise un peu plus au sérieux, probablement avec l'arrivée des triptans dans les années 90. Hein, donc c'est relativement récent, puisque nous avions à cette époque la première classe de médicaments un peu spécifiques de la migraine, mais certains neurologues se sont intéressés à la migraine déjà depuis pratiquement plus d'un siècle. Mais on va dire, voilà, ça fait à peu près 40 ans qu'il y a un intérêt un peu plus soutenu pour cette pathologie. On reparlera des triptans dans la deuxième partie de cette émission et des différentes familles de médicaments qui permettent de traiter les migraines. Michel Lanthériminet, néanmoins, cette migraine, on en trouve des traces il y a très très longtemps. On en trouve des traces au Moyen-Âge, on trouve même des traces qui remontent jusqu'à l'Égypte antique. C'est finalement peut-être l'une des plus vieilles maladies dont on a une sorte de tableau symptomatologique aussi ancien. Oui, tout à fait. On retrouve effectivement des traces de la migraine très très loin dans l'histoire, dans l'art, bien évidemment, mais avec parfois des interprétations différentes et probablement pas la reconnaissance d'une entité pathologique. Comment est-ce que c'est construite cette image finalement de maladie un peu fourre-tout, de maladie, je le disais, alors évidemment je mets beaucoup de guillemets parce que c'est des termes qui sont très péjoratifs, mais de maladie de bonne femme, Jérôme Maouet, parce que il y a des hommes qui souffrent évidemment de migraines, mais néanmoins l'épidémiologie montre que il y a plus de femmes qui en souffrent que d'hommes. Donc oui, ça, en effet, il y a plus de femmes qui souffrent. Il y a puisqu'on dit qu'il y a 12% de la population qui souffre de migraines, il y a 18% de femmes et 6% d'hommes. Donc trois fois plus de femmes que d'hommes. Et puis ce qui est le gros problème de la migraine, c'est qu'elle ne se voit pas. Sur un scanner, c'est qu'elle ne se voit pas sur une IRM. Et donc dans la société dans laquelle on vit, où on doit voir les choses, où on reconnaît les choses quand on les voit, quand on les touche, c'est très difficile d'imaginer qu'on souffre quand on a une IRM normale, un scanner normal, ou encore plus d'imaginer que son conjoint ou sa conjointe souffre alors qu'il a une IRM normale. Puis le gros problème aussi de la migraine, c'est que ce terme, il est utilisé à tort et à travers comme un synonyme de mal de tête. Et donc, tout le monde utilise ce terme quand il a le moindre mal de tête. Et donc, quand vous évoquez ce diagnostic, les gens ne comprennent pas la gravité, la sévérité que cette affection peut avoir. Sylvie Rioumillo. Alors, Nicolas Martin le soulignait dans son introduction, la maladie est effectivement méconnue, sous-traitée. Alors, je crois que le chiffre, c'est que 80% des migraineux ne consultent pas. Qui veut répondre à ça? Peut-être Michel Lanthériminet. Oui, il y a des études épidémiologiques en France, mais qu'on retrouve ces chiffres dans d'autres pays. Globalement, les dernières études épidémiologiques en France montraient que effectivement 80% des patients migraineux, enfin des sujets migraineux, ne consultaient pas. Et ces 80% étaient constitués de 40% qui avaient consulté et qui avaient arrêté de consulter, et 40% qui n'avaient jamais consulté. Donc une vraie faille dans la prise en charge ? Oui, tout à fait. Une vraie faille dans la prise en charge de la part du corps médical et du corps soignant dans sa globalité, qui a tendance à pas considérer cette pathologie. Je dirais aussi parfois une responsabilité aussi des sujets migraineux qui mettent du temps avant de consulter. Jérôme Maouet, vous vouliez répondre également. Oui, c'est vrai qu'il y a des patients qui considèrent que c'est une fatalité et qui ne pensent même pas, parce que c'est de la maladie, tout le monde en a dans la famille, c'est normal, ils ne pensent même pas en parler à leur médecin traitant. Moi, je vois des patients qui me disent, je dis, mais qu'est-ce qu'il dit votre médecin traitant? On lui en a pas parlé, donc on peut pas lui en vouloir non plus à lui. C'est vrai qu'il manque peut-être d'informations pour les patients, de l'importance d'en parler, d'échanger, puisqu'il y a des solutions, il y a des traitements, on va y venir tout à l'heure. Et c'est ce que nous allons faire tout au long de cette heure. Il est 16h15, vous écoutez La Méthode Scientifique sur France Culture. Alors, peut-être qu'on peut poser une question toute simple pour commencer, puisque on voit que tout ça, eh bien, le terme de migraine renferme bien un imaginaire populaire. On y cale beaucoup de choses qui ne sont pas la réalité. Si on part vraiment en termes de symptomatologie, de critères diagnostiques, qu'est-ce que c'est que la migraine, Michel Lanthéry-Minet? Alors, la migraine est clairement définie justement par nos critères diagnostiques. Alors, déjà, la migraine, habituellement, dans la forme la plus habituelle, ce sont des crises. C'est pas un mal à la tête permanent, ce sont des crises. Ce sont des crises qui vont durer de quelques heures à parfois 3 jours, parfois plus. Et au cours de la crise, le mal à la tête a des caractéristiques particulières, c'est-à-dire que le plus souvent, il affecte un seul côté de la tête, d'où le terme de migraine. La tonalité de la douleur, c'est-à-dire le ressenti par le patient, c'est une pulsatilité. Le patient a l'impression d'avoir le cœur qui bat dans la tête. L'intensité est le plus souvent sévère et altère les activités en cours, même simples, comme le test pour nous, c'est de demander à un migraineux s'il est capable de monter ou de descendre des escaliers en crise. Ça, c'est pas possible, ça augmente la crise. Autre élément important, il y a au cours de la crise de migraine, en plus du mal à la tête, des signes d'accompagnement. Et les deux grands signes d'accompagnement sont l'hyperesthésie sensorielle, avec une très grande gêne à la lumière et au bruit, parfois aux odeurs, parfois de manière beaucoup plus globale, et une composante digestive avec au minimum des nausées, parfois des vomissements. Jérôme Maouet, sur ce tableau clinique, là c'est vraiment une sorte de tableau général, mais est-ce qu'il y a différentes formes de migraine? On parle également, peut-être que c'est le moment d'évoquer ce qu'on appelle la migraine avec aura. Quelle est la différence? De quoi parle-t-on précisément? Donc oui, en effet, la migraine que vient de décrire Michel, c'est la migraine sans aura, c'est-à-dire donc des épisodes de douleur. Ces épisodes de douleur qui sont d'ailleurs séparés de moments où le patient est strictement normal, va très très bien, il n'a aucun symptôme, ce qui est d'ailleurs un facteur rassurant par rapport à des maux de tête qui seraient dus à une autre maladie qui bien sûr ne vient pas et ne disparaît pas comme celle-là. Et puis, comme vous l'évoquez, donc il y a la migraine avec aura qui touche 20 à 30% des patients et qui en fait se caractérise par des symptômes qui précèdent les maux de tête et qui sont dus à un dysfonctionnement au niveau du cortex cérébral. La plupart du temps, c'est un dysfonctionnement du niveau du centre de la vision, une activation du centre de la vision et qui se manifeste par des symptômes que le patient rapporte en général, qu'il a l'impression de voir dans la moitié de son champ visuel, qui sont des zigzags brillants ou encore une vision kaléoscopique ou une lumière ou un halo, vraiment quelque chose de habituellement très coloré, très brillant, qui bouge, qui s'étend progressivement, puis qui peut laisser place à quelque chose de plus sombre et qui disparaît, et puis qui peut laisser place au mal de tête. Dans certains cas, il peut même y avoir d'autres symptômes. L'anomalie électrique qui survient au niveau du cortex peut continuer son chemin jusque dans le centre de la sensibilité et donner des fourmillements qui progressent du bras vers le visage, par exemple, et qui aussi sont transitoires. Et éventuellement, chez certains patients, cette anomalie au niveau du cortex peut aller jusque dans le centre de la parole et donner des difficultés de parole, eux aussi transitoires, et puis qui sont suivis des maux de tête. Ce qui est très important, c'est de distinguer ces symptômes que je viens de décrire de ceux d'une attaque cérébrale. Et ce qui est très typique dans la migraine avec aura, c'est ce caractère progressif des symptômes avec des choses qui brillent, des picotements, etc. Et puis le caractère transitoire et la survenue d'un mal de tête derrière. Sylvie Rioumillot. Mais alors finalement, cette aura, elle sert à quelque chose? Elle a un sens, une signification? Comment on l'explique? Michel Lanteriminet sur cette question. Alors, l'aura migraineuse est supportée par un phénomène électrique, comme le disait Jérôme, hein, que l'on appelle la dépression corticale envahissante. Et en fait, cette dépression corticale envahissante est probablement un mécanisme de défense du cerveau. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est précisément? Définissez-nous, Michel Lanteriminet, de quoi on parle quand on parle de dépression corticale envahissante, de DCE, de quoi s'agit-il précisément? La dépression corticale envahissante, c'est un phénomène électrique, c'est-à-dire qui concerne les neurones du cortex cérébral et qui est caractérisé par une première phase que l'on appelle de dépolarisation. Là, les neurones s'activent, suivie d'une phase plus prolongée où les neurones s'hyperpolarisent, c'est-à-dire arrêtent leur activité. Et cette association de dépolarisation et d'hyperpolarisation explique l'association de signes positifs et négatifs comme les a décrits Jérôme. Par exemple, au niveau visuel, la production de lignes brillantes très très visibles et puis après d'un trou noir dans la vision. Et ce phénomène a la particularité de s'étendre en tache d'huile en partant du cortex visuel qui est le plus sensible à ce phénomène pour éventuellement s'étendre à l'ensemble du cerveau en progressant de l'arrière vers l'avant, ce qui explique la progression des signes pour les patients qui ont les auras les plus complètes. Donc la DCE serait vraiment liée stricto sensu à l'aura. On va revenir un peu aussi sur ces mécaniques cérébrales qui sont passionnantes. On va parler du système trigémino-vasculaire. Mais j'aimerais peut-être avant refaire encore un petit mot parce que je pense que c'est effectivement quelque chose qui concerne beaucoup les citoyennes et les citoyens et certainement un grand nombre de nos auditrices et de nos auditeurs. Quand on a la migraine, on la déclare vers quel âge? Est-ce que ça peut durer longtemps? Est-ce que ça peut être passager? Est-ce que ça peut être un moment passager? Est-ce que il y a des facteurs aggravants ou au contraire des facteurs limitants? Si on fait un peu plus le tour comme ça d'un tableau d'épidémiologie clinique, Jérôme Maouek, qu'est-ce que ça dit? Alors ça peut toucher les personnes de tout âge. Ça peut même toucher les enfants. Les enfants qui peuvent l'exprimer parfois ou même avant, et notamment des symptômes digestifs répétés chez les enfants, après bien sûr avoir exclu des causes plus sérieuses et plus graves, peuvent entrer dans des tableaux de migraine. Donc ça peut venir à tout âge, ça a plutôt tendance à venir notamment vers la puberté avec les fluctuations hormonales, et puis ça peut venir aussi, il y a aussi un pic vers 30-40 ans, mais ça peut venir à tout âge, ça peut fluctuer de manière très importante au niveau de la pendant toute la vie. Hein, il y a des patients qui peuvent être tranquilles pendant des mois, voire des années, puis avoir des moments où ça se manifeste beaucoup plus. C'est extrêmement variable, que ce soit grâce à des traitements ou spontanément. On sait par exemple que la grossesse, probablement par le climat hormonal très stable qu'elle induit, est souvent très très bénéfique pour la migraine, en tout cas pour la migraine sans aura. Sylvie Rioumillot. Peut-être juste une bonne nouvelle, je crois que la migraine s'atténue avec l'âge. Jérôme Jaouet. Maouet, pardon. Alors, pas de problème. Elle a tendance en effet à s'améliorer au fil du temps, et notamment chez les femmes un peu après la ménopause, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et comme on est face à des patients qui sont uniques, c'est vrai que ces statistiques ne sont pas toujours retrouvées chez tous les patients. Tous les patients ne s'améliorent pas, mais beaucoup d'entre eux s'améliorent, mais malheureusement certains c'est pas le cas. C'est vrai que la ménopause et les fluctuations hormonales importantes de la ménopause peuvent au contraire exacerber un petit peu la maladie migraineuse pendant tout ce temps-là. Et à l'inverse, on parle de migraines cataméniales quand il s'agit de migraines qui sont liées à J-2 ou à J+3 à l'apparition des règles, Jérôme Maouet. Oui, en fait, la migraine, c'est, si on veut le dire très grossièrement, c'est une maladie de l'intolérance du cerveau au changement, qui n'aime pas les changements, que ce soit de rythme, de stress, de sommeil, et aussi probablement d'hormones. Et on sait que autour des règles, il y a des chutes hormonales, d'estradiol, qui sont très importantes. Et c'est probablement ça qui explique ces crises de migraines dites cataméniales. Et en effet, quand le facteur déclenchant principal de ces migraines et la chute hormonale et les règles, on parle de migraine cataménienne. Michel Lanteriminet, vous partagez cette définition de Jérôme Mahouet, la migraine c'est une maladie du corps qui manifeste son sa désapprobation du changement ? Oui, oui, tout à fait. Hein. Le dénominateur commun des facteurs déclenchants de la crise migraineuse, c'est le changement d'état. Et c'est toute la problématique pour les migraineux, car notre vie n'est faite que de changements d'état. On passe notre temps à nous adapter à des changements d'état, et le migraineux, et notamment le migraineux sévère, ça passe beaucoup moins bien, avec donc une altération de la qualité de vie qui peut être majeure par l'impact que ça a sur son économie. Vous pouvez peut-être nous dire aussi un mot, parce que là aussi, comme il n'y a pas de marqueur biologique et qu'on a longtemps imaginé que c'était une maladie à moitié imaginaire, des niveaux de douleur, il y a des témoignages qui sont des témoignages de niveaux de douleur très très très importants. Il y a même des témoignages de certaines femmes qui disent que c'est pire encore que les douleurs de l'accouchement. Michel Lanteriminet, ça peut être à ce niveau-là d'enfer? Ah oui, la douleur peut être absolument très très intense, conduisant justement à des admissions en urgence, et notamment dans ce qu'on appelle l'état de mal migraineux, hein, où l'intensité douloureuse est vraiment majeure. Et ce qu'il ne faut pas oublier, dans la migraine, il n'y a pas que la douleur, hein. Il y a un état général, une hypersensorialité, des troubles digestifs. La migraine, c'est vraiment comparable à un orage d'été ou un orage tropical dans un ciel serein, hein, qui tombe sur la tête du patient, quoi. Jérôme Mahouet, sur les niveaux de douleur aussi, vous qui êtes en service hospitalier, dans le service d'urgence qu'on ira visiter tout à l'heure. Ah oui, en effet. Alors, comme Michel le disait, c'est vrai que c'est pas que la douleur, hein. Donc c'est vraiment important parce que nous, on le voit sur la tête des gens. Et c'est vrai qu'il m'arrive de voir des gens, de leur donner un traitement aux urgences céphalées et de les réévaluer après et étonné de voir comme ils peuvent avoir un teint qui est bien, qui sont posés, parce que je les ai vus vraiment en énorme souffrance, en énorme mal-être qui associe la douleur mais aussi l'inconfort digestif, etc. Et ça se voit vraiment sur leur visage. Et quand je parlais des enfants, certains patients arrivent à reconnaître aussi ces symptômes sur les enfants avec une pâleur majeure. Et nous, en effet, hein, on a des gens qui viennent avec des douleurs qu'ils décrivent comme très intenses. Il m'arrive de demander entre 0 et 10, combien évaluez-vous votre mal de tête? Des gens me répondent 12. Oui. Après que j'ai dit que 0 c'est pas mal à la tête du tout. 10 sur 10, c'est le pire mal de tête qu'on puisse imaginer. Il m'arrive de dire que c'est comme si on tranchait la main avec une scie sauteuse, et les gens me répondent que c'est encore pire. On va parler avec vous dans un instant, Michel Lanteriminet, justement des mécanismes que l'on connaît, des mécanismes neurologiques. J'aimerais une question tout de même peut-être un peu plus générale avant d'en arriver à ça. Comment est-ce qu'on explique aujourd'hui, compte tenu de ce que vous venez de décrire l'un et l'autre, le niveau de sous-diagnostic et finalement le niveau de sous-estimation que l'on peut avoir de ce mal qui a l'air pourtant aussi violent et aussi difficile à gérer que on vient de l'entendre dans les quelques minutes précédentes, Jérôme Mahouet? Je pense que le problème, il est à tous les niveaux, comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure. Déjà au niveau des patients, certains ne s'en plaignent pas, ne le reportent pas, ne sont pas informés. Les médecins généralistes n'ont peut-être pas toujours le temps, l'occasion d'être formés là-dessus. Et les médecins neurologues spécialistes ou les centres de la douleur, on n'est peut-être pas assez. Donc il y a peut-être des dysfonctionnements à tous les niveaux. Et puis, on n'a pas investi énormément d'argent dans la recherche de la migraine, dans la communication sur la migraine. Si on compare par rapport à des affections qui sont beaucoup moins fréquentes, et si on relativise tout ça, on voit que la migraine est restée le parent pauvre, par exemple au sein de la neurologie. Michel Lanteriminet, votre sentiment à ce propos? Oui, tout à fait. Je pense que c'est un peu ce que dit Jérôme. Un déficit de formation initiale, hein. Moi, je suis d'une génération où on m'a pratiquement jamais parlé de la migraine dans mes études, hein. Je l'ai appris après. Un fatalisme des patients, peut-être, qui ne consultent pas. Et puis, je crois qu'il y a une ambiance culturelle, hein, sur la migraine, la société face à la migraine, hein. C'est ce qu'on disait en préambule, hein. Maladie hautement féminine, maladie souvent associée à des comorbidités anxieuses, faisant qu'on ne reconnaît pas le caractère biologique de cette maladie. Après, je pense qu'il y a un autre problème, notamment pour les médecins, notamment pour nos confrères médecins généralistes, hein, qui les pauvres font un dur boulot, parce que souvent on dit le généraliste ne fait pas bien, mais c'est dur pour eux. Je dirais que souvent, ils arrivent à faire le diagnostic, parce que le diagnostic est un critère est relativement facile, mais il y a aussi une difficulté dans la migraine, c'est de bien évaluer l'impact fonctionnel et la sévérité. C'est pas facile d'évaluer la sévérité d'une migraine, et il y a un certain nombre de migraineux qui sont diagnostiqués comme migraineux, mais ça s'arrête là. Et tant qu'on fait pas l'évaluation de la sévérité, on peut pas aboutir au traitement, et notamment aux traitements qui vont arriver prochainement. Peut-être un mot avant de passer justement à cette question des traitements dans la deuxième partie, Michel Lanthéry-Minet. Aujourd'hui, que sait-on précisément des mécanismes neuropathologiques de la migraine? Est-ce qu'on sait exactement comment elle se déclenche? Quelles sont les zones du cerveau qui sont impliquées? Et comment elle se répand à l'ensemble, ou en tout cas à partie du cortex? Alors, je dirais qu'on a beaucoup d'éléments de connaissance, mais qui sont un peu épars. On a parlé de l'aura, on est pratiquement sûr que l'aura est supportée par ce phénomène de dépression corticale envahissante. On a parlé de la vulnérabilité des migraineux au changement d'état, de ce défaut d'excitabilité du cerveau. Là, on est pratiquement sûr que la base est génétique, et dans certaines formes rares de migraines, on a identifié des gènes anormaux, des mutations génétiques. On connaît aussi très bien le support de la douleur migraineuse. La douleur migraineuse est liée à l'activation trigémino-vasculaire que vous citiez tout à l'heure, qui est le fait que le système nerveux, via le nerf trijumeau, envoie des informations aberrantes aux vaisseaux cérébraux. Et les vaisseaux cérébraux sont le siège d'une inflammation et d'une dilatation. Hein, c'est ce qui fait mal. Après, ce qu'on connaît aussi pas mal, c'est les possibles générateurs de la migraine dans le cerveau, et globalement on se situe dans des régions profondes que l'on appelle des régions diencéphaliques, et également les régions hypothalamiques où il y a toute notre horloge cérébrale. La difficulté que l'on a, c'est d'associer ces différents éléments. Et ça encore, on ne sait pas encore reconstruire complètement le puzzle. Peut-être un mot, parce qu'effectivement, à propos de, on parle de ce noyau spinal trijumeau, du ganglion trigéminal. Qu'est-ce que c'est que cette zone qu'on appelle la zone du noyau spinal trijumeau? Parce que ça va nous conduire tout à l'heure, et ce sera important dans les traitements, à ce qu'on appelle les anti-CGRP. Donc pour comprendre ce que sont que ces anti-CGRP, peut-être qu'il faut expliquer un peu ce que c'est que cette zone cérébrale, Michel Lanthéry-Minet. Alors, le complexe, ce qu'on appelle le complexe trigémino-cervical, c'est l'endroit du cerveau assez bas situé dans notre cerveau qui reçoit toutes les informations sensitives, ce qu'on appelle les afférences sensitives, issues de notre tête, à la fois de la région cervicale, mais également de notre face et de l'intérieur de notre cerveau. Et à ce niveau-là, se font toutes les intégrations douloureuses du segment céphalique, c'est-à-dire de notre tête. On va vous mettre un petit schéma, hein, si vous nous écoutez sur notre fil Twitter, pour que vous voyez un peu à quoi correspond. Je crois qu'il y a déjà une petite animation qui a été postée, mais on va vous mettre un schéma où on vous montre ce que c'est que ce noyau spinal du trijumeau. Et qu'est-ce qu'on appelle exactement, du coup, qu'est-ce que c'est que les CGRP, Michel Lanthéry-Minet? Alors le CGRP, c'est une petite protéine, hein, ce qu'on appelle un petit peptide, qui est très impliqué dans la migraine. On a pu démontrer il y a déjà plus d'une vingtaine d'années que au cours de la crise de migraine, il y avait une élévation de ce CGRP. Et de façon beaucoup plus importante, on a pu montrer que les migraineux, en tout cas une proportion importante de migraineux, était sensible au CGRP. C'est-à-dire que si on prend un migraineux et qu'on lui réalise une perfusion de CGRP, on a une probabilité importante de déclencher une crise de migraine, alors que si l'on fait la même perfusion à un sujet non migraineux, il ne va rien se passer. Et ça a permis d'évoquer la possibilité que le migraineux soit susceptible à cette protéine, et que cette protéine ait un rôle essentiel dans la migraine. Et maintenant, on est pratiquement tous d'accord pour dire que le CGRP est un des éléments qui est produit lors de l'activation trigémino-vasculaire. Et en fait, le trijumeau est activé par des mécanismes cérébraux. Il libère du CGRP. Le CGRP va aller se fixer sur les vaisseaux. Mmh. Et quand il est fixé sur les vaisseaux, il va générer l'inflammation et la dilatation. C'est donc qu'on a des signes biologiques de la migraine, tout compte fait. Tout à fait. On pourrait même avoir certaines équipes sont en train d'essayer de valider le fait que le CGRP puisse être ce qu'on appelle un biomarqueur de la migraine. Eh bien, vous allez voir que c'est aussi bien le sens de la recherche pour des traitements. On va parler dans la deuxième partie de cette émission des traitements de crise, mais également des traitements au long cours pour bien les personnes chez qui les migraines sont chroniques et sont les plus handicapantes. Qui veut chasser une migraine n'a qu'à boire toujours du bon et maintenir la table pleine de cervelas et de jambon. L'eau ne fait rien que pourrir le bon. Boute, compagnon, vide-nous ce verre et nous le remplirons. L'eau ne fait rien que pourrir le bon. Boute, compagnon, vide-nous ce verre et nous le remplirons. Le vin goûté par ce bon père qui s'en rendit si bon garçon nous fait discours sans grammaire et nous rend sa sans leçon. L'eau ne fait rien que pourrir le poumon. Boute, compagnon, vide-nous ce verre et nous le remplirons. L'eau ne fait rien que pourrir le poumon. Boute, compagnon, vide-nous ce verre et nous le remplirons. Oui, qui l'eût cru, on écoute du Trian à 16h35 dans les méthodes scientifiques sur France Culture. Qui veut chasser une migraine, évidemment, c'est une chanson bien qui vient desservir notre propos puisque nous parlons de migraine tout au long de cette heure. Nous en parlons en compagnie de Michel Lanteri-Minet, qui est neurologue, chef de service du département d'évaluation et de traitement de la douleur au CHU de Nice, et avec Jérôme Mahouet, qui est neurologue à l'hôpital Lariboisière, membre du CA de la Société française d'études des migraines et des céphalées, dont on va vous mettre d'ailleurs bien un lien vers le site sur notre fil Twitter si jamais vous êtes bien victime de migraines et de céphalées. Je pense que c'est un site qui contient plein de ressources à ce propos. Et j'ai à mes côtés pour co-animer cette émission ma camarade Sylvie Rioux-Millot de notre partenaire, le magazine Science et Avenir. Alors on l'entendait au tout début de cette émission, il y a depuis les années 2000 un service d'urgence à l'hôpital Lariboisière, d'urgence céphalée. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Il ne s'agit pas d'un service pour soigner les petits maux de tête, mais les douleurs extrêmement aiguës que peuvent provoquer bien certaines formes de migraines, justement. Oui, comme vous le dites, cet endroit est vraiment prévu pour ces patients-là, hein, ceux qui ont des formes très violentes de migraines ou bien de céphalées. J'ai retrouvé Caroline Ross, qui est neurologue et qui est responsable du centre. Alors dès qu'on pousse la porte du service, on sent vraiment que tout a été conçu pour apaiser les patients. Silence et lumière tamisée dans une ambiance vraiment cocoon de la salle d'attente aux examens. Alors le service n'a pas pour but d'offrir clé en main un traitement personnalisé, mais il assure au moins le soulagement des patients et surtout un diagnostic pour identifier la nature du mal. En fait, le service, l'objectif, c'est de voir les patients qui souffrent de céphalées de différentes origines. Donc le critère pour venir nous voir, c'est d'avoir avant tout des céphalées inhabituelles qui ont une crise sévère et à qui on va proposer un traitement adapté. Donc ici, c'est vraiment les patients qui souffrent de manière très aiguë. C'est vraiment pour les urgences, c'est pas pour n'importe quel patient. Alors, effectivement, les patients migraineux, on le voit au moment de la crise. Mais ce qu'on va lui proposer dans le cadre de l'urgence au moment de la crise, c'est de le soulager. Mais notre service n'est pas dédié pour le prendre en charge et faire un suivi et lui offrir un traitement sur le long cours. Tout ça peut se faire par un neurologue, puisque c'est sa compétence de prendre en charge les migraineux. Quelle est la première étape ici quand quelqu'un arrive souffrant atrocement d'une douleur, d'une migraine ou autre céphalée? Alors, on s'assure déjà qu'il n'y ait pas des critères qui font qu'ils sont mal orientés, ça peut arriver. Par exemple, des patients qui ont de la fièvre seront réorientés vers les urgences générales, une suspicion de méningite, grâce à l'interrogatoire, et puis on va déterminer les explorations nécessaires. Donc dans ces explorations, il y aura une imagerie cérébrale, un scanner, parfois une IRM, un bilan sanguin, et puis il arrive assez souvent qu'on soit amené à faire une ponction lombaire. Quand on recherche soit une méningite virale, ou ça nous permet aussi de mesurer la pression intracrânienne. Et nous avons beaucoup de patients chez qui on va poser un diagnostic d'hypertension intracrânienne idiopathique. Et là, la ponction lombaire est incontournable. Donc là, nous avons donc l'accueil des patients. Ils attendent dans la salle d'attente qui se situe là. Et puis ensuite, nous avons les bureaux des médecins qui sont là, et sur le côté. Le poste de soins, donc l'infirmière va accueillir le patient ici, va lui prendre... Ici, on fait les premiers tests physiologiques ? Oui, tout à fait. Donc elle lui prend les constantes, la tension artérielle, on s'assure qu'il n'y ait pas de fièvre. On vérifie aussi la saturation en oxygène. Et puis le patient ensuite est accueilli dans chaque box par le médecin. Puis les prescriptions, les prises de sang ou les examens radiologiques qu'ils vont réaliser dans le service de radiologie. Quelqu'un va les y accompagner. Donc ils sont allongés ici. Voilà la partie donc, où ils sont allongés au calme, dans le silence, le plus possible. Mais toujours cette ambiance très calfeutrée, très paisible. Alors là, il n'y a personne aujourd'hui, mais il y avait quand même deux personnes tout à fait. En attente. En attente. Une personne qui se repose là, qu'on ne va pas déranger, mais vous voyez le rideau fermé et puis les pochons de perfusion. Donc. C'est des antalgiques qu'on est en train de perfuser. Oui, donc on leur met des antalgiques qu'on va adapter à chaque cas, en fonction de la pathologie et de la douleur, l'origine de sa céphalée. Là, nous avons le bureau, le box où nous pratiquons les ponctions lombaires. Donc il y en a une qui est en train d'être réalisée. Et puis... Voilà, un dernier bureau de médecin. Et là, c'est la salle de détente pour le personnel. Donc, on a des infirmières dédiées qui connaissent bien les pathologies pour justement nous alerter si un traitement n'est pas adapté, ne soulage pas. Ils vont évaluer régulièrement les patients, ils reviennent nous voir, ils nous informent quand ils ont fait les examens. Donc ici, on est dans le poste de soins. Oui. Où on va ausculter les patientes et les patients. Oui, en fait, nous, quand ils sont enregistrés, ils arrivent ici, on leur prend les constantes. Ensuite, ils sont pris en charge par un médecin et après, on a le ressort de consultation. Donc, soit il y a des ECG. Après, on fait ce que le médecin nous a prescrit, en gros. Donc, beaucoup de perfusions pour les soulager, pour les scanners aussi. Du coup, on les perfuse, des bilans, ECG, électrocardiogrammes. Actuellement, avec tous les outils dont vous disposez, en moyenne, les patients ressortent de là avec au moins des pistes, des solutions thérapeutiques ? Alors, je dirais oui, mais finalement, on a avancé dans la recherche, notamment dans la migraine, mais actuellement, on n'a pas tous les nouveaux traitements à disposition. Et vous savez qu'il y a les anticorps monoclonaux dans le traitement de fond de la migraine qu'on n'a actuellement pas de façon commercialisée, malheureusement. Donc, il arrive qu'ils aient eu des informations et qu'ils ressortent finalement un peu déçus. Mais par contre, ce qu'on leur apporte vraiment, c'est une prise en charge. On pose un diagnostic, on leur explique les choses. Et il arrive que rien que ça soit rassurant parce qu'ils ont souvent beaucoup d'interrogations. Certains pensent qu'en venant nous voir, on va trouver une solution miracle. C'est pas ça, mais c'est la prise en charge du migraineux. C'est du temps, expliquer, le suivi régulier, la compréhension. Et ça, parfois, ça leur manque. Et pendant la période de Covid, depuis ces derniers mois, vous avez remarqué une variation. Enfin, je sais que c'est un gros biais. Parce que les gens ne se déplaçaient plus, mais est-ce que quand même on peut dire quelque chose ? On a eu au tout début de l'épidémie beaucoup de gens qui n'avaient que des céphalées comme manifestation et qui sont arrivés dans notre service et qui avaient un diagnostic d'infection à coronavirus. Après, ce qu'on a vu aussi, c'est des céphalées qu'on appelle les céphalées de tension, qui sont ces céphalées sur un contexte psychologique difficile, et je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'anxiété. Et donc, voilà, on a des patients quand même qui sont venus avec ce type de céphalée au décours de l'épidémie. Voilà cette visite dans le service d'urgence céphalée de l'hôpital Lariboisière. Peut-être bien juste une réaction à ce que vous venez d'entendre, Jérôme Maouet, puisqu'on est quasiment chez vous là-bas. Enfin, moi j'y suis, j'ai des patients et donc là je regarde régulièrement si mes collègues ne débordent pas sous les patients puisqu'on ne connaît jamais l'évolution du flux de patients. Et donc là ils m'ont laissé une heure et après je m'y remets. On voit en fait, c'est ça qui est très intéressant aussi dans ce que je fais tous les jours, c'est qu'on voit de tout. Hein. On voit des gens qui ont une migraine mais qui est très sévère et on essaie de leur soulager leur crise. On voit des gens dont on finit par diagnostiquer une méningite. On voit des gens, comme on vous dit, chez qui on a diagnostiqué un Covid. où on a trouvé un anévrisme, etc. Donc, c'est extrêmement varié. Il y a plus que 200 sortes de maux de tête. Et c'est vrai que pour les migraineux, on peut les soulager, puis on peut en effet leur expliquer. Et c'est vrai que très souvent, le fait que le terme migraine soit mal utilisé, qu'on n'ait pas toujours le temps de leur expliquer, fait que bah, ils viennent en nous disant « on m'a dit que j'avais la migraine, mais je viens pour voir d'où ça vient ». Et bien, on le répète, ben, en fait, c'est, vous l'avez, c'est probablement avec une composante génétique, mais c'est vrai que si on prend le temps de leur expliquer, c'est déjà la première partie du traitement. Michel Lanteriminet, une réaction à ce reportage? Oui, c'est la réalité de la migraine aux urgences. Alors, effectivement, le centre urgence Éphalé est une exception, hein, une exception européenne, une exception française. Hein. Quand le docteur Valade avait créé ce centre-là, on avait eu l'idée de dupliquer ça en région. On n'a pas pu le faire car ce type de centre ne peut, dans notre contexte de restrictions hospitalières, exister que sur un bassin de population comme la région parisienne. Mais ce centre a à la fois a aidé les patients, il nous a pas mal aidé à médiatiser la pathologie migraineuse, et ça a été vraiment une heureuse initiative. Alors on va parler un peu là dans cette dernière partie d'émission de la question des traitements. Aujourd'hui, Jérôme Maouet, vous dites on peut soulager la migraine, ça veut dire qu'aujourd'hui on sait traiter la migraine, on sait traiter toutes les migraines? Alors, donc il y a deux façons de traiter. Il y a le traitement de la crise et le traitement de fond. On va y revenir, mais en l'occurrence, on a plus d'armes qu'avant pour traiter une crise de migraine. On était limité avant au paracétamol, à l'aspirine, puis les anti-inflammatoires. Et puis, on a les triptans qui sont des traitements spécifiques de la migraine. Qu'est-ce que c'est les triptans? Les triptans, c'est des médicaments qui ont été développés, comme Michel le disait, il y a 25 ans à peu près, et qui sont vraiment, qui agissent spécifiquement dans la migraine. Donc ce n'est pas des antidouleurs classiques, vous pouvez pas les prendre pour une douleur de pied, ça n'agira pas sur votre douleur de pied. On a longtemps pensé qu'ils avaient une action uniquement vasculaire, puisqu'on a parlé tout à l'heure d'un rôle d'une pathologie vasculaire pour la migraine, mais on sait qu'ils ont aussi un effet sur les neurones, et ils agissent sur la douleur migraineuse, ils ont peut-être un petit effet aussi sur les symptômes annexes. Et voilà. Mais c'est vrai que malheureusement, avec tous ces traitements, il y a encore des patients chez qui on n'arrive pas à arrêter, à bloquer complètement la crise. Et c'est pour ça qu'on continue à faire de la recherche. C'est pour ça que nous, on a, et Michel aussi, des études en cours avec des nouvelles molécules qui sont les ditans, qu'on va tester aussi les GEPAN dans les traitements de crise. Et heureusement, il y a énormément de recherches pour les traitements de crise, comme on va le voir plus tard aussi pour les traitements de fond. On va évidemment parler de ces différentes molécules. Un mot peut-être, Michel Lanteriminet, ça fonctionne comment exactement les triptans? On sait l'action exacte au niveau cérébral, au niveau neurologique? Alors les triptans agissent en se fixant sur des récepteurs à la sérotonine, essentiellement deux types de récepteurs. Un récepteur de type 1B qui est sur le vaisseau cérébral. Et quand le triptan s'associe à ce récepteur 1B, il entraîne une vasoconstriction, il resserre le vaisseau. Et puis, une action sur un récepteur de type 1D, qui est sur le neurone. Et quand il se fixe sur le récepteur 1D, le triptan limite la libération de ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire ce fameux CGRP. Alors ça, c'est pour les traitements de crise. Sur les traitements de fond, pendant longtemps, les médicaments qui étaient dans votre arsenal, c'était essentiellement de l'antidépresseur, de l'antiépileptique et éventuellement quelques antihypertenseurs. Aujourd'hui, quels sont... Alors déjà, peut-être un mot sur cette première génération de traitements et quels sont aujourd'hui, puisque c'est le titre l'article de nos camarades de Science et Avenir, une avancée majeure dans le traitement de la migraine, quels sont aujourd'hui les portes couvrent la recherche. Michel Lanteriminet. Alors, le problème des traitements actuels, on peut le résumer à trois limites. Premièrement, aucune spécificité. Ce sont des traitements qui ont été détournés d'autres indications sans réflexion physiopathologique sur la migraine. Deuxièmement, leur magnitude d'effet n'est pas extraordinaire, c'est-à-dire que tous les patients ne répondent pas à ces traitements, et quand ils répondent, le degré d'effet n'est pas forcément extraordinaire. Et par ailleurs, ces produits sont limités par un certain nombre d'effets indésirables. Alors certes, des effets indésirables qui ne sont pas graves sur le plan médical, mais un risque de sédation, un risque de prise de poids, tous ces effets indésirables qui altèrent en fait la qualité de vie du migraineux. Or, dans la migraine, on est dans une maladie de la qualité de vie. On veut redonner de la qualité de vie. Il est hors de question de remplacer les migraines par des effets indésirables, même pas très dangereux sur le plan médical. Et donc, actuellement, on est limité par ça. Et arrivent ces nouveaux traitements. Donc, les nouveaux traitements, donc à savoir les anticorps anti-CGRP, sont des produits là qui sont spécifiques puisqu'ils ont été développés pour bloquer ce fameux CGRP. Globalement, ils ont démontré leur efficacité et notamment chez les patients difficiles à traiter puisqu'il y a eu des études en Europe spécifiquement faites sur ce type de patients qui étaient déjà en échec entre 2 et 4 traitements de fond au préalable. Et dernier élément, ces nouveaux médicaments se caractérisent par une parfaite tolérance avec, on s'affranchit comme ça, de tous les effets indésirables habituels, sédation, prise de poids. Enfin, dernier élément, l'anticorps anti-CGRP a un effet rémanent, faisant qu'avec une seule administration qui se fait pour la majorité des produits avec une petite auto-injection par voie sous-cutanée, le patient a une couverture préventive qui va durer 1 mois. Alors, il y a quelques questions autour de ces anti-CGRP. Le premier, c'est que il y a une question qui était d'ailleurs, je crois, évoquée tout à l'heure, la question de l'AMM, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des médicaments qui sont mis en vente dans d'autres pays, mais la France est très timide sur leur autorisation de mise sur le marché. Comment est-ce qu'on explique ça, Michel Lanteriminet? Alors, l'autorisation de mise sur le marché, on l'a, puisque c'est une autorisation de mise sur le marché européenne. Et il y a actuellement 3 des 4 anticorps qui ont leur autorisation européenne, où ça bute en France comme dans d'autres pays européens, puisqu'il n'y a pas que la France qui est confrontée à cela. C'est pour leur mise à disposition, et c'est toute la problématique de la prise en charge par les autorités sanitaires, puisque ces médicaments ont été commercialisés à un prix relativement élevé, hein, puisque initialement aux USA, on était, on va dire, aux alentours, l'injection mensuelle, on va dire, entre 700 et 1000 euros, ce qui est un prix énorme pour une pathologie aussi fréquente. Et là, actuellement, les autorités essaient de voir, de discuter avec les industriels pour quels patients ces produits seront autorisés. Et on s'oriente plutôt sur des patients présentant une migraine au moins épisodique à haute fréquence avec au moins 2 échecs antérieurs de traitement de fond. Et même en réduisant la population concernée, à quel prix le tarif donc va être négocié. C'est essentiellement là un problème financier, mais qui est un problème majeur dans la situation actuelle, notamment quand on considère la pathologie migraineuse qui peut affecter jusqu'à 20% de la population. Sylvie Riumio. Oui, juste rappeler que les patients vont devoir vraiment être patients parce que pour les triptans, ils avaient déjà attendu 7 ans. Donc là, pour les anti-CGRP, on ne sait pas. J'ai lu également en préparant cette émission qu'il y avait des doutes. Alors, je vais vous laisser confirmer ou infirmer cela, Michel Lanteriminet ou Jérôme Mahouet d'ailleurs, qu'il y avait des doutes sur le fait que eh bien, cette injection pourrait être antagoniste d'autres canaux de la douleur et donc finalement réfréner des douleurs qui seraient des signaux d'alerte d'autres pathologies et donc pouvoir potentiellement dissimuler en quelque sorte d'autres pathologies en freinant d'autres canaux de la douleur. Est-ce que c'est une réalité, Michel Lanteriminet? Alors, c'est effectivement, le blocage du CGRP pose ce problème, je dirais théorique, mais qui est un problème important. Alors, pas tellement en bloquant la douleur, mais c'est surtout en bloquant la vasodilatation qu'induit le CGRP. Puisqu'en fait, le CGRP, c'est ce qu'on appelle un peptide de l'homéostasie. Et chaque fois que un individu est potentiellement en danger, il y a une libération de ce CGRP pour générer de la douleur, qui a valeur d'alarme, mais également pour générer une petite dilatation qui va favoriser la réaction inflammatoire de défense. Et cette problématique, elle est particulièrement importante dans les pathologies vasculaires, comme l'infarctus du myocarde ou l'accident vasculaire cérébral, où quand on est dans ces situations, il y a au niveau des artères concernées une libération de CGRP pour pouvoir un peu entraîner une vasodilatation de compensation. Hein. Et la question qui se pose, c'est si un patient est sous CGRP et qu'il fait un événement vasculaire, est-ce que cet accident vasculaire cérébral ou cardiaque ne sera pas plus important parce que le patient est sous anti-CGRP. Mmh. Pour l'instant, on est plutôt rassuré. Dans les études, on n'a pas eu de signe d'alarme. On a l'expérience nord-américaine, puisque maintenant aux USA, on estime qu'il y a entre 400 et 500 000 sujets qui sont traités, et cela depuis bientôt 2 ans. Et pour l'instant, on n'a pas de signaux d'alerte. Néanmoins, l'inquiétude et l'interrogation des autorités est tout à fait légitime. C'est vrai que 400 ou 500 000 patients, ça fait une jolie cohorte, en tout cas en termes statistiques. Peut-être un mot, Jérôme Mahouet, ces anti-CGRP, vous y avez accès aux urgences de l'arrêt Boisière, vous pouvez les délivrer dans certains cas particuliers? Alors c'est des traitements de fond, hein, donc c'est vrai qu'on n'a pas d'intérêt à les débuter en crise quand on voit les patients pour soulager la crise. C'est des traitements qu'on prend pour éviter que les crises ne viennent trop souvent, pour espacer les crises, faire qu'elles soient moins fortes et moins intenses. Mais en l'occurrence, donc ils ne sont pas sur le marché, en tout cas ils ne sont pas remboursés. C'est vrai que nous, on a participé aux études, donc depuis quelques années, on a pu les essayer et les utiliser. Il y a eu transitoirement une mise à disposition anticipée d'un laboratoire dans un programme compassionnel de patients qui étaient dans des formes sévérissimes de migraines, transitoirement en attendant qu'ils arrivent sur le marché. On a pu l'administrer à certains patients et maintenant ce programme il est terminé. Et c'est vrai que là on attend vraiment qu'ils arrivent sur le marché parce que quand on a pu les avoir, on a tous eu des retours très positifs avec des traitements qui sont efficaces rapidement, c'est pas toujours le cas des autres, qui sont efficaces sur le long terme, ce qui est pas non plus le cas toujours des autres, et sans effet secondaire. Et c'est vrai que c'est plus satisfaisant de dire à un patient « mais vous allez mieux » et puis en plus tout va bien que de dire « oui certes vous avez pris 3 kilos mais vous allez mieux ». Un mot très rapide Michel Lanteriminier parce qu'on arrive dans les dernières minutes de cette émission tout de même sur les GEPAN et les DITAN, ce sont d'autres formes de molécules, là cette fois-ci pour le traitement des crises, de quoi s'agit-il? Alors les GEPAN sont des produits qui bloquent aussi la voie du CGRP en agissant sur le récepteur au CGRP. Contrairement aux anticorps, ce ne sont pas des biothérapies, ce sont des molécules issues de la synthèse chimique, ce qu'on appelle les petites molécules, les small molécules des anglo-saxons. Ce sont des produits qui ont été développés pour la crise, avec maintenant deux produits qui sont en homologation aux USA, et ils vont être aussi envisagés pour le traitement de fond, avec donc une arme supplémentaire. En ce qui concerne les DITAN, on se retrouve avec, un peu comme les triptans, des produits qui agissent sur des récepteurs à la sérotonine, mais sur des récepteurs à la sérotonine différents, des récepteurs 1F, qui sont plutôt situés au niveau du système nerveux central, et très schématiquement, avec un grand raccourci pharmacologique, on pourrait comparer les DITAN à des triptans centraux, en fait. Et là aussi, on a un produit, pour l'instant, le lasmitidan, qui vient d'être homologué aux USA, et on attend son AMM européenne. Et l'intérêt, c'est d'avoir maintenant l'arrivée de ces GEPAN et de ce DITAN dans la crise de migraine pour venir un petit peu compléter l'arsenal avec les triptans et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ces DITAN et ces GEPAN, ils sont pas encore disponibles en France, hein? Non, pas du tout. D'accord. Un tout dernier mot, vraiment, je vais vous laisser conclure. Michel Lanteriminier, je vais vous faire doublement conclure, parce que c'est vous qui le disiez, c'est une citation d'un entretien précédent. Vous disiez, la prise en charge de la migraine est globale et ne repose pas sur un comprimé magique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout attendre, justement, de cette recherche, que c'est quelque chose de plus vaste, en quelques mots. Non, tout à fait. Le patient migraineux sévère ne se résume pas uniquement à la succession de crises. Donc le traitement est essentiel, hein, il est obligatoire. Mais il y a une gestion de tout ce qu'on appelle les comorbidités, parce que la migraine est souvent associée à d'autres pathologies, notamment toutes les pathologies du registre anxieux. Il y a toute la prise en charge de la gestion des changements d'état, hein, avec des approches psychocorporelles, des approches un petit peu nouvelles actuellement avec l'intérêt de l'activité sportive, des réductions pondérales. Donc voilà, c'est maintenant cette vision un peu globale du sujet migraineux. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Michel Lanteriminier, merci Jérôme Mahouet d'avoir été avec nous pour nous parler de la migraine tout au long de cette heure. Merci à ma collègue Sylvie Rioumillot à la une de Science et Avenir. Il n'y a pas que la migraine ce mois-ci, Sylvie. Il y a également l'antimatière. Pourquoi la matière a justement gagné sur l'antimatière? Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Céline Lozen, Noémie Naguette-Saint-Villefranc, Natacha Triou, François Malordi, Antoine Beauchamp, Véronique Lamandour à la réalisation et Jean-Frédéric à la technique. Demain, nous parlerons du futur télescope spatial qui n'en finit plus de se faire attendre. Son lancement a été repoussé une nouvelle fois. Il devrait être envoyé en orbite d'ici un an maintenant, le 31 octobre 2021. Il sera question du James Webb Space Telescope à 16h, jusqu'à preuve du contraire.